بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس التاسع وعشرون. 29e leçon. 29e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسالك عن الكلمات في في الدرس القراءه درس القراءه حبا يا حبوب جلو لا ما هو بس أكثر يعني الأكثر la plupart ou le plus c'est pas plus النائي النائية أعمق التوال جمع التوال صحارى انتزاع جدباء صحارى جدباء الصحارى الجدباء جدباء ما معنى جدباء خبرة خبرة expérience simplement توجيه directive استغل يستغل c'est-à-dire دس يدس mettre discrètement سمن وزن Je crois que le poison c'est simplement sam sans mettre le sam c'est une chose qui empoisonne. C'est ça qui me semble que sam c'est un isme fa'il. Le sam yasum qui veut dire empoisonner. Et le poison c'est sam. بلبلاء يبلبل فتاك ديستركتور مسموم مسموم مسموم على اي وزن مسموم فكر بالاوزان تشوفوا اوزان تشوفوا تروي Le mot il est passé. Masmoum, à la aïwazn. Mafoul. Taïeb. C'est quoi les horofs d'origine? Masmoum, ouais, chose empoisonnée. Ah. Ad-dammar. Dammar, c'est détruire. C'est destructeur, dévastateur. Abad. Yubid. ضيق رستران ضيق اتخوى نعم مؤلف l'écrivain المفسد parleur ها mauvais يعني نعم سمر le trouble corrupteur ouais. pervers c'est plus pour le mot ouais, ضائع خاسر تقدم نعم. طيب وقفنا سندخل في الرابع إن شاء الله. يقول املأ فراغات الجمل بالكلمات المناسبة المناسبة. كم قبل تبغى remplir les trous avec les mots correspondants. عندنا أبادات يستغل يحبو أعمق جل التوال توجيه دس سامة تبلبل تبيد. الجملة الأولى يقول دعا الوالد لابنه أن الله الهداية والتقى. Que le père a invoqué pour son fils que, يعني, de la part d'Allah, une chose, la guider et la piété. Mahou. Da, c'est indiqué, hein? Da, invoqué. Da, al-walid al-ibnihi, an-yahbouhu. La. An. Al-kalima sahiha. عمل خطأ في النحو أن يحبه أن يحبه أن يحبوه أن يحبوه أن يحبوه في فتحة على الواو أن يحبوه أن يحبوه تمام منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظائرة على آخره. طيب que Allah lui accorde la guider à la piété. ثم ثانيا on le trouve en premier الناس في هذا العصر لا يقرؤون لأن الإذاعة المسموعة والمرئية قد شغلتهم. C'est-à-dire il y a une chose là en cette époque qui fait que les gens ne lisent pas car on va dire les ondes auditives ou visuelles, c'est-à-dire la radio et la télévision, les en détournent. Force de regarder la télé ou d'écouter la radio, les gens ne lisent plus. Mahou. Moi j'avais écrit Toubi, mais c'était ça. La. لا تأنس ومجرور معنى أنه مضاف إليه فيحتاج إلى اسم قبله. ماذا؟ لا قلت لك الناس هنا مضاف إليه ومجرور فيحتاج إلى اسم. المكر devant c'est un اسم. Il faut un مضاف. ما هو؟ Jullu Nas, c'est-à-dire la plupart des gens aujourd'hui, à cette époque, ne lisent plus. Thalithan, yaqul, al-muallifu al-jayyidu yastati'u an يعبر عن المعاني بأقل العبارات. Que le bon auteur est en mesure de pouvoir exprimer, c'est-à-dire là le trou, l'essence avec peu de paroles. نعم c'est ce qui apparaît qui peut exprimer le plus profond sens le sens le plus profond avec peu de mots l'expression mais très peu de mots. نعم رابعا بعض الشعراء تمكنوا من تأليف القصائد là il y a le trou, que certains poètes ont pu écrire des poésies. ربما هو هكذا دي لونغ بويزي خامسا كل إنسان يحتاج إلى ممن هم أكثر خبرة بشؤون الحياة. Donc chaque personne a besoin de, là il y a le trou, personnes qui ont plus d'expérience dans les domaines de la vie. Artajilesh. Taudji. Il a besoin de directives de ceux qui ont plus d'expérience que lui. Naam. Arsent. Sadisan. Yanbari an كل طالب أوقات فراغه في قراءة المفيد من الكتب. Il faut que, après le trou, chaque étudiant son temps libre dans la lecture de livres profitables. Naam, comme Kota Staril, qui profite de son temps libre pour lire dans les livres profitables. Arsent. Sabiran. On commence par le trou. المفسدون بعض المعلومات السامة في بعض كتب التاريخ. نعم دسا. Que certains perturbateurs, certains corrupteurs ont inséré certaines certaines choses empoisonnées dans certains livres historiques. Des événements ou des faits empoisonné. نعم. ثامنا الافكار تقبل تقتل وفن الشعوب وها كالحروب. Que certaines idéologies, après le Mohammed, tuent les peuples et comme des guerres. Ma الافكار ايش بدات الاول الافكار ماذا هذا سهل بقي الآن أربع كلمات بقي أربع كلمات يسكتمو لا دون أبزن دو إنو غست سما إنو غست تبلبل إنو غست تبيد إنو غست أبادت دونك نعم نعم l'idéologie venimeuse on va dire tue les peuples et تقتل c'est un mot d'arrière donc le verbe qui vient derrière va également être mot d'arrière il vient d'aki ماذا لا C'est le même verbe, t'en as un qui est au moudalé, t'en as un qui est au passé. Le verbe il est deux fois là. C'est lequel ? Abada, c'est quoi son mot d'ordre? Tubid. Ah, ouais. Tubidoua. Que les idées envenimeuses tuent les peuples et les déciment, elles exterminent et déciment comme les guerres. Tassian. Kafratul l'ikhtilafat m al-afkar. Que la grande quantité de divergences, de désaccords, les idées. Quoi le mot? Tobalbil. Perturbe les idées. Ashiran, quand on se prend le trou, الحرب بين العراق وإيران كثيرا من المسلمين. نعم. Que les guerres entre l'Irak et l'Iran ont décimé beaucoup de musulmans. وهذا إن حصل كما ذكر. فإنه بسبب الاختلاف وعدم التمسك بكتاب الله وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الفتن بين المسلمين هذا عدم الأخذ بالدليل والتمسك. الأصل وهذا قد يحصل اجتهاد من شخص ويخطئ، لكن الأصل الفتن التي هي حاصلة بين المسلمين أنهم اختلفوا ولم يمشوا على خط واحد. الخامس، اسأل خمسة أسئلة نفون عن الفكرة الثانية من القطعة. Donc pour 5 questions à propos de deuxième paragraphe. Donc voyons le deuxième paragraphe. Quel est-il? À partir de Al-Qira'a Fal-Qira'a tu tukarribu al-makan wa-zaman wal-qari'u ya'ishu ma'a man kana fil-kitab ou man fil-kitab wa ma fihi aynama al-zahaba wa aynama halla. Abda huna. لكن ما أدري ينتهي هنا أو ينتهي في قوله ويتحدث إليهم. سأل إيش كتبت؟ ماذا يحصل؟ Qu'est-ce qui se passe si le lecteur lit le livre? بعد هل القاري يعيش مع كتابه؟ Est-ce que le lecteur vit avec son livre? Allez voir. بعد ينتقل الزمن كثرة على وزن انفعل ويفتعل. نعم. باب الآن ذكرت ثلاث اثنتين وإلى ذهب القاري بكتابه ماذا؟ إلى يذهب القاري بكتابه. Où est-ce que va le lecteur avec son livre? Où est-ce qu'il C'est bad. فأقول إن يذهب ذئن ذئن القاري لأن لا نفهم qu'ils sont avec le livre quelque part, tu vois. ثم متى يعيش القاري؟ كيف؟ متى يعيش القاري؟ كيف متى يعيش القاري؟ Quand est-ce qu'il vit? Ah ouais. La phrase en soi elle est correcte, mais toi tu vas en dire où? La phrase à la base elle est correcte, mais t'as pas réussi à faire sortir ce que tu voulais. نعم نعم لقد تضيقه كذلك. سادس استعمل أينما في ثلاث جمل كما في المثال. المثال أينما ذهبت أعمل بجد وإخلاص. Donc on emploie l'expression aynama pour dire ou que. Ou que, comme dans l'exemple, il dit où que j'aille, j'œuvre avec sérieux et sincérité. Tataktou, thalaz jumel. Non. J'écris aynama takounou yatibikoum Allahu jamia. نعم vous savez que Allah vous viendra ça اينما يدرك الموت حتى في بروج المشيده اينما تكون يدركه الموت اينما تكون يدركه الموت اينما تكون اعرب تكون نعم ثم في المضارع ها علي عرب لا تسمعوا جزي كسلتا سيبا علي عرب قبل ما يكفي المضارع تكون كيف آخره C'est quoi sa fin? C'est une damma. Une damma? Ah, c'est un waouh. Limada? Elle est le fil marfo, mansoub, majdoum, l'abni, kif. Aina matakounou, kif. المضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو واو نون أنا ما أرى النون أينما تكون كيف مرفوع بنون محذوف أين رأيت هذا؟ كما مرفوع يا فنون justement من عرامة رفع ثبوت النون لو سيبا نون سيكلي با مرفوع واحدة إذا لي با مرفوع إلا رأس دو عف النون إما في النصب وإما في الجزم. دونك اللي هو مجزوم ومنصب. أيهما؟ مجزوم تأكد. ما هو الجازم؟ السكوت. أنا وصل العالم. ما هو العالم؟ ولا عامل فن؟ سي كوا كي فكر المجزوم؟ مجزوم كم سا؟ تسأل. سي كوا لا كوز؟ ما هو الجازم؟ أين الجازم؟ أينما، أينما من أسماء الشرط. أينما ذهبت ذهبت، أينما تذهب أذهب. طيب، ومجزوم وعلامة جزمه حرف النون، مجزوم بأينما. طيب، بقي واحدة مع أينما. أيه، إيش كتبت؟ ما وجدته؟ أنا سهل جدا، أينما قفص، أينما وك تتو. فاسيل سيولا اينما تجلس اجلس مثلا، وكنت تسوى اجم اسوى، اينما تشرب اشرب، اينما تنم انم. هتفضل تخمزوين لغابيد فاسيل عيا بتغير ميناج كما قلت فرانسين. أينما كيف تقول تكتب تمشي؟ أينما تمشي أمشي، أو tu ailles je vais، أو tu marches je marche. طيب، مقلد أنت، مقلد ها؟ أينما تمشي أمشي، أو tu ailles je vais te suivre، donc je vais là où faut pas aller tu vas me suivre. ها؟ أنت مقلد، tu me suis aveuglément. طيب، كيف تكتب تمشي؟ أينما تمشي أمشي. Comment tu écris Tamshi? Hat i'rab Tamshi. Tamshi, ma i'rabuhu? Naam. مجزوم منصوب مرفوع، مجزوم مرفوع منصوب. كيف يقول مجزوم وعلامة جزمه؟ السين يسمى جزم. ما هو ما هو علامة جزمه؟ السكون حرف النون. وعلامة جزمه حرف العلة غالب الياء، يتمشي بكم كسرة، والكسرة دلالة على الياء المحذوفة. والجزم أمشي بغي وجواب شرط. طيب، السابع، استعمل إلا ما في أربع جمل كما في النموذج. يقول إن المؤلف الجيد لا يكتب إلا ما فيه فائدة، que le bon écrivain n'écrit que dans ce qui contient du profit. Alika bi arba jumal ala mithal al namoudhaj. Salam alaykoum, kif halak? Bikhayr. Allah. نعم، que la personne sensée n'est pas que dans ce qui est écrit. نعم. إن الله خلق كل شيء إلا ما في حكمة. ماذا؟ إن الله خلق كل شيء. لا. كل شيء. لا. قط إلا devant une chose. C'est que tu as un infi devant. Dans cette phrase-là. Il faut que tu aies une négation. Donc قال انظر لا خلقه. أيوة إن الله لا يخلق شيئا إلا ما فيه حكمة. نعم. وبل إن الله لا يخلق إلا ما فيه حكمة. سواء أدركناها أم لم ندركها. نعم. ثم إن الأب عادلا عادل لا يضرب الوالد ولد يضرب ولده إلا فيه حاجة. أعيد. إن الأب العادل أو العادلة أو العادلي لا إن الأب لا إذا عادلة بصفة. ربط تفاز. إن الأب نعم عادلا كيف وصفة ونكرة والموصوف معرفة كما الأب عادلا العادل. أيوة ومعرفة كذلك. إن الأب العادلة لا يضرب ولده إلا في حاجة إلا إلا لعذر que le père juste ne frappe pas son enfant, ce n'est pour une raison. Une excuse. Tu as justifié. Naam. Baki. Baki Jumla. Répète ta phrase. إن العبد لا يعبد إلا ما فيه إقامة الحجة. تراجع تفاز. تراجع لا. Que le serviteur il n'adore pas sans une preuve. T'as pas traduit ta phrase là. La phrase, je la traduis par Inna al-abd la ya'bud illa bid-dalil. Et même cette phrase-là, elle est à revoir. Ouais. Toi, c'est pas ça ta phrase que tu as écrit. Tu as écrit que le serviteur n'adore pas que dans ce qu'il y a quoi ? Un argument qui était établi. Qu'il n'adore pas. Ta phrase, elle est bancale. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que le serviteur ne bâtit pas un acte d'adoration si ce n'est sur une preuve. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Mais ta phrase, c'est pas ça qu'elle veut dire. Ta phrase, elle emmène un autre sens. Toi, ta phrase, tu dis quoi ? Que le serviteur, inna al-abd la ya'bud illa ma fihi iqamat al-hujja. Que le serviteur n'adore pas qu'une chose sur laquelle il y a. C'est-à-dire là, tu fais qu'il adore autre qu'Allah, là, dans ta phrase. Ta phrase n'est pas emmenée très loin. Je sais ce que tu as voulu dire. Toi, il faut que tu dises quoi ? Inna al-abda la yaqum bi'ibadah illa ma fiha dalil. Inna al-abda la yaqum bi'ibadatin yani lillah, taman. إلا ما فيها دليل. Qui n'entreprend pas une adoration si ce n'est celle qui a une preuve. C'est une erreur qu'on a dit, que tu avais dit faux auparavant. En fait, de dire adorer dans l'absolu pour dire faire une adoration. C'est pas pareil. طيب. الثامن. استعمل كلا من معظم وبعد في جملتين مرة في أول الجملة ومرة في وسطها. Donc tu utilises le mot mu'azzam et ba'du dans deux phrases, une fois au début, une fois au milieu. Mu'azzam an-nas, la ya'lamun. Intasharu. Mu'azzam an-nas, ماذا? La ya'lamun. Naam. Deuxième. La ya'lamun. Yani umuman, ils savent pas quoi. Non, non, c'est pas un piège, hein, c'est une question. Non, c'est vrai, vous la connectez maintenant, c'est la Ya'lamoun. Moi, je suis resté comme ça. Le problème, c'est que dans le verset, il y a une chose devant qui explique. Toi, tu veux qu'il fasse comme ça, c'est pas ce que tu, de quoi tu parles. La Ya'lamoun Ma'adha. Tu vois? Tayyib. Voilà, tu vois ça? Ok. Au début. Maintenant fais-le au milieu. Mu'azzam. Une tâche comme ça. Mu'azzam ou fiha akhta. Akhtat fi ibada. Aïd. Une tâche comme ça. Une tâche comme ça. انتشر القمصان القميص تقول ايه قاموس قاموس ديكسيونير تي قمصان الجم واش كوني قواميس قواميس انتشر قوامس معظم فيها أخطأت في العبادة لا تقول انتشرت القوامس ومعظمها فيها أخطاء que les dictionnaires sont propagés et le plus d'entre eux contiennent des erreurs. طيب بعض بعض الناس يتعاون بعضهم بعضا. Mais le deuxième بعض الناس ouais, ta phrase elle est ثقيله. Tu dis trois fois le même mot. En fait, je voulais mettre tout dedans. Bard al-Nas, ta'un bardoum bi bard. C'est une phrase, elle est très maladroite. Tu répètes trois fois le même mot dans la phrase. Normalement, tu pourrais dire bardoum bi bard. Ah, mais le premier bard, il sert à rien. Tu es obligé de faire deux phrases. Tu as voulu mettre tout en une phrase, mais tu n'as pas abouti à un résultat optimal, comme on dit. Ça fait une phrase lourde. Donc fais deux phrases. Ça c'est toi, fais deux phrases. Car si tu veux mettre plusieurs le même mot dans une même phrase, ça fait une répétition. La répétition, ça alourdit la phrase. Donc fais deux phrases. Une avec bard au milieu et une avec bard au début. Maintenant, tu dis الناس يتعاون بعضهم ببعض. خلاص. Maintenant, fais-en une avec bard au début. Certains savants ne blâment pas le qat. Ah, mais c'est le man. Hein? Man? Choukani. Ah, Choukani. Qui disait qu'il était mukhazin. Choukani, il fut rapporté de lui qu'il était mukhazin. Nam. Et bard, tu sais que tu peux le mettre au singulier aussi. Tu peux peux dire مثلا بعض الناس يقول كذا. Comment tu peux dire بعض الناس يقولون كذا. Parce que بعض c'est un mot qui est singulier. Et des fois en arabe tu peux dire بعض pour une personne. فهمت? Ça entend dans ta phrase, veux tu viser un alim, donc tu aurais dû dire بعض العلماء لا ينكر القدر. C'est pas comme nous. Nous, quand on dit certains, c'est que du pluriel en français. Mais barde en arabe, ça peut s'appliquer pour une personne. Mais pareil. Dans Salam, tu dis, là, tu viens dans une pièce. Watara barde l'ikhwa. Wafihim. Wahid na'im. T'as cool? Barde l'ikhwa yanam. Il y en a un seul qui dort, en fait. Si jamais tu rentres, on a plusieurs qui dorment, là, tu peux dire barde l'ikhwa yanamoun. Ça dépend en fait de ce que tu veux viser. Donc bard peut s'employer bil mufrad ou bil jam. طيب التاسع استعمل كأن في ثلاث جمل مرة في في أول جملة ومرتين في وسطها. Donc tu utilises كأن qui est min كأن min أخوات إن. كأن من أخوات إن حرف نصب واستدراك. Donc il dit tu l'utilises dans trois phrases, une fois au début et deux fois en milieu. تفضل اش كتبت. On va voir son akifuna. Le dernier comprend celui-là. Naam, il adore Allah comme si le voyait. Sacral. Maman, il bouge comme s'il était ivre. Maintenant, il faut une avec Ka'anna au début. Là, on a fait deux avec Ka'anna fi wasat. الآن تأتي بجملة مع كأن في أول جملة. في فراز كأن أو دبي فراز. لا تنا في دو كأن في الوسط صح؟ لما نطف فين كأن أو دبي. كأن لا تعلمون. كأن ماذا؟ كأن العلم نور. C'est comme si la science était une lumière. بل العلم نور. Vas-y, je t'ai soufflé là, fais-en une. Je ne vais pas le sauver comme ça. Trois fois je t'ai aidé. Aya, j'ai dit jumla. مع كأن في البداية. Oh, ouais, je suis mauvais, le musulman. Quoi? Qu'en est le Yémen? Le musulman. Là, le Yémen, tu as dit Inna, le Yémen, le musulman. Là, c'est Inna, Taoukid. Parce que lorsqu'on a dit qu'en est l'ilm, Nour, c'est de façon abstraite. Ah bon, Khalas? Tu vois? Ah bon? C'est comme si la France était un pays d'islam. Tu ressens ça, toi? Tu ressens que la France. L'Angleterre, il ressent ça. Hein? Oui, il ressent ça. Ouais, il ressent, on se voit pas sur. Il ressent certains. T'as écouté? Walakin la moon. Donc, si tu, demain tu vas voir un musulman, tu dis qu'en Britannia, ben l'islam, il va y aller direct. Mm. Donc, la phrase en soi, elle n'est pas correcte. C'est loin d'être un pays d'islam, Britannia. Il y a quelques quartiers où certains, on va dire, ils ont moins de problèmes qu'en France. Mais c'est pas comme si c'est un pays d'islam. j'ai pas compris alors le Kerem. Tu dis c'est comme si telle chose était telle chose. مثلاً زيد شجاع تقول كان زيدا أسد. C'est comme زيد était un lion. Tout à l'heure j'ai dit كأن استدراك, là c'est pas استدراك, c'est تشبيه. استدراك c'est لكن, عفوا. Tout à l'heure j'ai dit كأن حرف من أخوات إن نصب استدراك. ما هو استدراك؟ هو حرف تشبيه. استدراك c'est لكن. نعم. Correction. سبق لسان. أيا كأن كذا كذا. كأنك ما تجد. ها؟ كأنك ما تجد أنت. ما زالت تخوف به. Tu fais ensemble une chose ou une autre. Ou tu fais doute sur une chose. C'est comme s'il n'était pas venu aujourd'hui. من أخوات إنا في خاصة الخبايا ينسب بعده يرفع الاسم وينسب الخبر. أين اسم كأن لا يحفظ اليوم؟ أين اسم أن كأن إلو اسم اسم زيد فقط عجلت اسم ضمير كأن كأن ماذا كأن الطالب. طيب لا يحفظ اليوم. نعم خلاص سنكتفي بهذا اليوم وسبت ان شاء الله. سبت ان شاء الله سناخذ باقي التدريبات الا الثالث عشر ou Arabie Acha, parce que c'est des dissertations là, on saute, on n'a pas le temps. Et si jamais c'est court, il se peut qu'on rentre dans le texte du Ders, Sadis Achar. Juste le texte, tu vois, avec les mots. Si on a le temps, Inch'Allah. مفهوم؟ نعم. والحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام.